Venezuela. Why did you ever wake up with that bullfrog on your mind? Why did you ever wake up with that bullfrog on your mind? Why did you keep on laughing and just keep on smiling? Why did you ever wake up with that woman on your mind? Ever wake up with that woman on your mind? You just keep on smile. My brother got a mix, my sister got a mix, my cousin got a mix, my sister got a mix. Woke up this morning, my brother not in tune. Where did you sleep all night in all that the bullfrog blues? Thank you. to kill it all the way. But I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. Des femmes. Mais une seule femme ne peut représenter la femme. Pour la dire toute, il faudrait toutes les femmes. Simon used to sing this song. I'm gonna sing it now for him. All I need is 5 minutes, if you can see to sign. All I need is 5 minutes, if you read between the lines. One for the eyes in, one for the voice in, one for the touch, one for the suffering, and then the kisses, and then the kisses. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. need is 5 minutes. Start the ignition. All I need is your look to hang my imagination. All I need is your view to picture your position. We could get away, ride horses, sail on the bay, drink from the sources, and then the kisses. Following courses, and again the kisses. Following courses. At the bus I fed, one tip of a cigarette. Mistakes you don't regret. All I need is 5 minutes. I could drive beside a bed. I could ride on a rocket. One hit of a cigarette, mistakes you don't regret. All I need is 5 minutes, like a drug side effect. Like a ride on a rocket, the love you don't spare. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes. Dans cette ville paisible, dans ces rues tranquilles, une chose terrifiante, une chose horrifique va arriver. Thank you. Bonsoir, chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika le vendredi soir à partir de 19h30, un nouvel horaire pendant la crise du Covid, c'est comme ça qu'il faut quand même le prendre. Donc on a 3 heures devant nous, on va écouter pas mal de musique, on a déjà commencé par écouter des bons morceaux. Alors ils sont sélectionnés et puis je tiens compte aussi de tout ce qu'on me demande pour le passage dans l'émission. Alors on a commencé avec le groupe Yeti, avec un morceau qui s'appelle The Maze. C'est le morceau qu'on me demande le plus de ce groupe là, donc je vois qu'il plaît à tout le monde, donc on l'écoute avec beaucoup de plaisir. Miss Gradenko, donc ça c'est tout nouveau, hein. Je l'ai reçu il y a pas très longtemps, ils me l'ont envoyé, hein, Miss Gradenko, ce groupe formidable que j'ai reçu il y a quelques temps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Miss Gradenko qui nous a envoyé un morceau tout neuf, c'est la première fois qu'on le diffuse dans l'émission Mavrika, et je crois que c'est la première fois qu'on le diffuse dans les radios tout simplement. C'est What Can I Do For You. Voilà, que puis-je faire pour vous? Voilà, il y en a plein qui ont des idées qui leur viennent comme ça. Stinger avec Bullfrog Blues, le blues des grenouilles, des crapauds buffles. Je crois que c'est ça, grenouille buffle ou crapaud buffle. Enfin, voilà, c'est ça. C'est crapaud buffle, on dit en France. Donc c'est le blues des Bullfrog, et c'est tiré de ce superbe album qu'on écoute assez régulièrement. On écoute un peu tous les morceaux. C'est le groupe Stinger avec l'album Bad Juicy and Blues. Voilà. Juste après, c'était Hurt, interprété par Acoustic Desperado. Voilà. Nous avons écouté aussi Her, un groupe français que j'ai eu l'occasion de voir en concert et qui a envoyé bien comme il faut, vraiment un son excellent. Le morceau qu'on a écouté s'appelle 5 Minutes, et à l'instant vous avez sûrement reconnu un morceau, voilà, c'est un des standards du rock'n'roll, c'était interprété à l'origine par AC/DC, ça s'appelle Hell's Bells, et c'était la version acoustique interprétée par Ladies Ball Breaker que nous avons eu l'occasion de voir il y a quelques temps, c'était à Talcy au Caisson. Voilà, on va écouter à écouter plein de bonne musique. Voilà. C'est l'émission numéro 453 et c'est la dernière de la saison, puisqu'après il va y avoir quand même une petite période de vacances. Je suis sûr qu'on va vous manquer comme on vous a manqué la semaine dernière. Alors aujourd'hui, ne cherchez pas à démonter votre poste tuner FM. Voilà. Trop tard, c'est déjà fait. Bon, bah maintenant vous n'avez plus qu'à le mettre à la poubelle. Ça venait pas de lui, hein. En vérité, il y en a un petit souci. Donc les techniciens sont en train d'essayer de résoudre ce problème. Pour l'instant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent sur Internet. Donc on va faire une radio web ce soir, Radio Arc-en-Ciel Web. Alors pour ceux qui ne le savent pas, si je le dis sur Internet pour envoyer des gens sur Internet, ça va pas être évident. Mais enfin, je vais le dire quand même. C'est radio-arc-en-ciel.fr. C'est tout simple, hein. Vous allez sur le site de la radio et puis vous pouvez nous écouter. Ça marche de ce côté-là. Il y a un autre souci, mais bon. On va le résoudre assez rapidement. De toute façon, Radio Arc-en-Ciel est toujours là et on va continuer avec Motorize avec Louder, Faster, Louder. On va écouter aussi un morceau qu'on écoute régulièrement ces dernières émissions, c'est le groupe Skawax avec Réseaux Sociaux. On va écouter aussi un duo, Arrigoni et Marie, avec un morceau qu'on adore qui s'appelle Rupture. Et on continuera avec Il Valet Beach. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrica. moi j'en parle sans gêne, c'est que les réseaux sociaux nous rendent un poil schizophrène. En vrai, tu ne peux pas blairer cette vie qui ne fait que montrer ses vacances à l'autre bout du monde et qui l'affiche chaque seconde. Tu aimes chacune de ses passions pour les cupcakes et la broderie de ta meilleure amie canon dont la vie est une anarchie. À la rigueur, ouvre les yeux, éteins ton tel et ton ordi. Tu verras, tu te sentiras mieux et tu connaîtras la vraie vie. Si le plus triste n'est pas la vacuité totale ou la gloire au capitalisme ou bien le néant cérébral. À la rigueur, ouvre les yeux, éteins ton tel et ton ordi. Tu verras, tu te sentiras mieux et tu connaîtras la vraie vie. Ne croyez pas que je sois un de ceux qui vivent dans le passé. Je suis même plutôt équipé et gros addict au quotidien. Mais demandez qu'est-ce que tu prends avec quelqu'un en tête à tête et finir sa phrase dans le vent. Eh ben c'est con mais ça m'inquiète. Mais ça m'inquiète. Mais ça m'inquiète. Mais ça m'inquiète. Mais ça m'inquiète. Mais ça m'inquiète. Alors que jeunesse se passe, alors tout change, alors tout lasse, tout s'écrit, tout s'efface, alors tout change. We'll be right back. ses filets, puis je souris et plume, je ressasse. Nous en sommes écorchés, et nos cœurs en seraient séchés. Toutes ces années vont laisser des traces. Alors je vais noyer mes pensées, songer aux choses insensées. Je suis pas certain, j'ai des yeux bien en face. Je finis le seul et névrosé, et plus rien ne pourra changer. Quoi que je dise, ou quoi que je fasse. Sur Radio Arc-en-Ciel, un groupe que nous avons découvert ici dans les studios et que j'ai eu l'occasion de voir sur scène. Donc un groupe qu'on continue de suivre et on adore vraiment ce qu'ils font. Ils font des superbes reprises comme vous pouvez l'écouter actuellement avec le titre Beach. À partir de maintenant dans l'émission Mavrika, des morceaux que vous n'écouterez jamais ailleurs puisque nous avons l'exclusivité. C'est des morceaux qui étaient enregistrés dans les studios de Radio Arc-en-Ciel lors des passages des artistes dans les émissions. On commence tout de suite avec... Le chat fume et c'est le swing de la mort qui tue. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel. Quelqu'un avec de l'argent, un commercial. Tu vois, ce sera mieux pour nous deux. Comme ça, j'aurais pu à souffrir. Ou un prof, tiens, un prof d'histoire géo, peut-être. Enfin bon, en tout cas, je te quitte. Mais t'inquiète, tu trouveras une autre minette. Non, ça peut pas se passer comme ça, chérie. Essaye. Ouais, vas-y, j'essaye. écarte les nuages avec ses deux grosses mains et sa grosse barbe blanche, et dit d'une voix qui fait trembler la terre, les cieux, a provoqué des séismes dans le studio de Mavrika et de Radio Arc-en-Ciel, à faire trembler la terre d'Orléans. Ce gros fainéant me dit salut. On avait dit une voix ténébreuse, surpuissante, qui fait trembler la terre, le studio de Radio Arc-en-Ciel, Mavrika, etc. Ouais, mais écoute, mon gars, comment tu crois que j'ai pécho la Vierge? Faut se garder en forme un peu, hein. Ok. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux, mon coco? Bah, t'as pas entendu toutes mes prières, mes SMS, là. Je te dis, j'arrête pas de pleurer. Ce matin, ma femme m'a quitté. Après, j'étais parti en répétition, j'ai fait tout, hein. J'ai essayé les menaces en disant « Écoute, chérie, reviens, sinon je me fous un coup de revolver. » Et rien à faire, elle veut pas revenir, quoi. Et même la serveuse de la tavola, là, elle arrête pas de me poser des lapins. Je comprends rien, faut faire quelque chose, Dieu, s'il te plaît. Fais quelque chose, je t'en supplie. Ouais, alors ton histoire, ça me rappelle un truc, là. Il y a deux apôtres comme ça... Je crois que c'est JB et Paul, un truc comme ça. Ils m'ont dit ouais Seigneur, on n'arrive pas à trouver des meufs, tu veux pas nous aider quoi? Je leur ai dit bah les gars, vous faites une belle paire de seins. Ok. Non. Bon, enfin pourquoi pas. Ok. Après tout on est. Enfin voilà, ouais. C'est liberté de parole. Je peux te donner un ou deux conseils si tu veux. Bah je veux bien, parce que tu vois je suis à genoux devant toi et que j'attends que ça. Tu veux pas faire apparaître une jolie fille qui ne rêve que de moi? Ah ça c'est pas possible. Bon sinon parce que j'ai déjà essayé de faire passer un message tout à l'heure à Albino en disant voilà, je cherchais des minettes quoi après l'émission de radio. Bon fais quelque chose s'il te plaît, dis-moi un conseil. Bon je me suis bien démerdé, ce soir tu joues donc chez Mavrika à Radio Arc-en-Ciel. Oui c'est ça. Ouais, okay. Il doit avoir des bières là-bas. Bah il me semble qu'il en a emmené. Ouais. Mais à consommer, pas dans le studio hein, par contre. Hein. Bon ce que tu vas faire, tu vas sortir là. Ouais. Tu vas aller demander une bière, ok? Ok. Première étape du conseil. Ouais. Deuxième étape du conseil, tu vas boire ta bière. Ok. Troisième étape du conseil, tu vas aller redemander une bière. Et quatrième étape, tu vas boire ta bière. Et cinquième étape, tu vas aller redemander une bière. Sixième étape, je redemande une bière. Septième étape, je redemande une bière. Huitième étape, je redemande une bière. Ouais, tu comprends vite. Alors c'est Bertrand qui va me ramener alors, parce que si je suis bourré comme ça, non mais je pourrais être avec mon pote. Hein. Ouais t'inquiète, je... ça va pas. Enfin, je ah ok. Pas. Je pense pas. Donc en fait je croise une nana dans la rue et je l'emballe en étant complètement bourré. Ouais c'est ça. Ok merci. Merci ouais. Dieu. Je bah, de rien. Et Dieu raccroche. Thank you. Certains perdent leur vie à la gagne, sans aucune lueur dans leur regard. Des moutons qui se suivent à la trace et qui répètent les mêmes scénars. Un caronne, une gratte, des textes. Et j'ai un trou de mémoire. Ça arrive. C'est la vie de guerrier de la paix, à la croisée des chemins respectifs, qui s'activent et s'évertuent à capter l'attention de leur père encore sceptique. Un caronne, une gratte, des textes, comme un havre de paix, une famille, des préceptes ancestraux dans la tête, et se comportant sur scène comme dans la vie. Ça va les mener, mais avant sans stéréo. Ils ont peu, mais quand il faut tout donner, les enchères vont très très haut. Ils ne savent pas où ça va les mener, mais avant sans stéréo. Ils ont peu, mais quand il faut tout donner, les enchères vont très très haut. Les enchères vont très très haut. Ils ne savent pas où ça va les mener, mais avance en stéréo. Ils ont peu, mais quand il faut tout donner, les enchères vont très très haut. Ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont de passage, et que dans ce bas monde, ils sont des grains de sable. Ils font au mieux ce dont ils sont capables, dire que l'on peut et pas qu'on est coupable. Ils ne savent pas où ça va les mener, mais avance en stéréo. Ils ont peu, mais quand il faut tout donner, les enchères vont très très haut. Ils ne savent pas où ça va les mener, mais avancent en stéréo. Ils ont peu, mais quand il faut tout donner, les enchères vont très très haut. Ils ne savent pas où ça va les mener, mais avancent en stéréo. Ils ont peu, mais quand il faut tout donner, les enchères vont très très haut. Ils ne savent pas où ça va les mener, mais avancent en stéréo. Dernière surprise partie, je m'écrase le nez au hublot. J'ai mon contrat de confiance en céphale au qu'il faut. J'ai du bol, j'en vois un qui rigole. Wow, Gabi, Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit. Je veux pas dormir, j'ai des conneries. Oh, Gabi, Gabi. Je chante la mer, le long des golfs, pas très clair. En regardant les résultats de son check-up, un requin qui fume même plus à rallumer son clope, ça fait frémir. Faut savoir dire stop. Tu sais, c'est comme ce type qui voudrait que je me soigne. Abandonne son kleps au mois d'août en Espagne, chant comme un vide. Remets-moi Johnny Kidd. Wow, Gabi, Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit. Je peux pas dormir, chez des conneries. Oh, Gabi, Gabi, tu veux que je te chante la mer. Pétard qu'attend plus qu'une allumette, ça fait craquer. Au feu les pompiers. Aujourd'hui c'est vendredi et je voudrais bien qu'on m'aime. Je chante bien. échecs, des conneries. Oh Gabi, Gabi, tu veux je te chante la mer. Le long, des gosses. Pas très clair. Je t'analyserai C'est elle le matin qui sourit en prenant son bain. Elle s'appelle Adeline, médecin. Elle traverse Paris, assise sur son scooter, la joue pendue jusqu'à son cœur. C'est mon adrénaline, mon moteur. Dans son regard, une raison d'y croire. Dans ses envies, il y a les miennes aussi. l'école d'à au moins 4 ans. Yves de Piquet, ta pelle et ton seau, ta couche culotte avec les bons becs dedans. Lolita, défends-toi, fous-y un coup de râteau dans le dos. Attends un peu avant de te faire emmerder par ces petits machos qui pensent qu'à une chose, jouer au docteur. J'y ai joué aussi, je sais de quoi je cause. Je les connais bien, les playboys des bacs à sable. Je draguais leur mère avant de connaître la tienne. Si tu les écoutes, ils te feront porter leur cartable. Heureusement que je suis là, que je te regarde et que je t'aime. Toi. Quand je sais plus emmerdé par ces petits machos qui pensent qu'à une chose, jouer au docteur non conventionné. J'y ai joué aussi, je sais de quoi je cause. Merci David. Je les connais bien, les playboys des bacs à sable. Draguer leur mère avant de connaître la tienne. Si tu les écoutes, ils te feront porter leur cartable. Heureusement que je suis là, que je te regarde et que je t'aime. Et je crois pas que ta mère voudra que je lui fasse un petit dans le dos. Ben quoi Lola, on n'est pas bien ensemble. Tu crois pas qu'on est déjà bien assez nombreux. T'entends pas ce bruit, c'est le monde qui tremble sous les cris des enfants qui sont malheureux. Avant que ce monde devienne un grand cimetière, faut profiter un peu du vent qu'on a dans le dos. Lola, je suis qu'un fantôme. Quand tu vas où je suis pas, tu sais. about life in the other side. Come on, tell me. Tell me how the sun is shining, running on your cheeks, so lovely. Tell me what you're doing all days. Isn't life so boring when I'm sleeping? And it never ends. Fake, you've been fake. You keep destroying everyone you couldn't break. You set me free. I want you to be my final mistake. Yeah. gone, I will turn to myself. In a night, a shadows look the same. Scout better be alone than being loved one day. Today, my world, it's mine. Your end in mine, we walked a mile. Thanks to you, it will be done. You are in all my mind. Inspiration will run. If the sun refused to shine, I would still be loving you. When the mountains crumble could have seen was built to you and me. Tu la sens même un peu mieux. court et on court, ou comme elle vient. On court et on court. Ça fait du bien d'écouter cette petite musique de fond, la musique sur laquelle j'interviens pendant l'émission Mavrika. Alors là, en ce moment, on fait des musiques, des émissions très musicales plutôt. Je vous diffuse beaucoup de morceaux à la suite et j'interviens de temps en temps pour vous présenter quand même les morceaux qu'on a écoutés. Alors là, on a fait toute une série avec des morceaux que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ce sont des versions Mavrika, des versions enregistrées ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pendant les directs, puisque habituellement, l'émission Mavrika, on a des invités et on les fait interpréter des chansons. Et toutes les émissions sont enregistrées, donc on a recherché un petit peu dans les archives, on a retrouvé pas mal de choses. À l'instant, c'était une reprise, vous l'avez reconnue, comme elle vient. C'est Noir Désir, voilà, et c'était interprété par Pops, qui n'est autre que le guitariste des Infernal, Flash Pep aussi, hein. Donc voilà, il était venu faire une émission spéciale parce qu'il a aussi un projet qui s'appelle Pops, à lui tout seul. Juste avant, c'était les Belges, des Question Mark, hein, les Belges qui étaient venus à deux reprises dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, deux émissions différentes, hein. Ils nous avaient interprété une chanson qui s'appelle Thank You, et c'était déjà l'émission numéro 182. Aujourd'hui, on est dans l'émission 453, pour vous dire qu'on a fait du chemin quand même depuis. Voilà. Encore avant, il y avait le groupe Chaos dans l'émission numéro 237 avec un morceau que j'aime beaucoup qui s'appelle Jerry. Le groupe Chaos qui a participé déjà à un Mavrika Live avec nous. Les Computer Kill People, un groupe parisien, était venu aussi dans l'émission numéro 247 et nous avait interprété à cette occasion un morceau qui s'appelle From Dust to Nothing. Encore avant, c'était les premières émissions où j'ai rencontré ce grand monsieur Arnaud Walden, chanteur des Iron Troopers entre autres, et aussi du projet Arnaud Walden. Là, c'était Tell Me en acoustique. Il était venu tout seul avec sa guitare. Il nous avait interprété cette chanson Tell Me, tirée de leur album, hein, un des premiers albums. Depuis, ils en ont fait d'autres. Hein. Et c'était dans la Mavrika Session 1900. Peut-être pas quand même, puisque l'émission a commencé en 2010. Ça fait 10 ans donc qu'on fait cette émission, on est en 2020. Et c'était pour l'émission numéro 134. Voilà. Encore avant, voilà un morceau qu'on pourrait bluffer pas mal de personnes avec ce morceau-là. Il s'agit de Lola. Vous avez bien reconnu, c'était Eric Torel qui a vraiment une voix qui ressemble à Renaud. C'est vraiment à s'y méprendre. Et il était interprété à cette occasion-là par notre ami David McLan, qui nous écoute en plus et qui nous envoie toujours des petits messages. Tous les vendredis, on a des petits messages de lui. Hein. Donc c'est normal qu'on diffuse aussi des morceaux avec lui. Et puis au plaisir de le retrouver sur scène dès que tout sera relancé un peu, parce que ça a un petit peu de mal avec le Covid et tout ça. J'espère que ça va repartir au mois de septembre. Mais bon, de toute façon, nous, on continuera dans l'émission Mavrika. On s'adaptera, hein, on fera comme on fait actuellement. Donc c'était dans l'émission numéro 129, Eric Torel et David McLan. Encore avant, un groupe qui n'existe plus, hein, ou alors une stand-by, c'était Mab Cara, avec un morceau qui avait été interprété dans l'émission numéro 127, et c'était Suntime. Encore avant, c'était 4h11, la version Mavrika des deux l'année. Ils sont passés il n'y a pas très longtemps, et puis ça doit faire un an quand même, hein, le temps passe très vite. Un morceau avec un superbe son, c'est vrai qu'on est très très contente de recevoir le groupe Samsoul, et le morceau que vous avez pu écouter, c'est Born to be Wild, avec le clavier, les guitares et tout ça. Ils sont excellents, les Samsoul. Ils ont aussi participé à Mavrika Live et on leur en remercie. Encore avant, c'était Qu'as-tu vu? Oh, elle est belle. Voilà, c'était un direct live de Mavrika aussi. Lexa, pas tout seul, il était venu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, il nous avait interprété une chanson. J'espère que les paroles ne vous ont pas choqué. Ça s'appelle Sex Addict et c'était un live Mavrika. Encore avant, c'était les Justesse Social Clubs avec Gabi. Oh Gabi, une reprise de la Bachung. On avait commencé avec Sadia, Stéréotype, version Mavrika Live. Et encore avant, il y en avait un autre avec lequel on avait commencé, qui a duré 13 minutes et quelques, c'est Le Chat Fume, avec le swing de la mort qui tue. Et c'était la Mavrika session aussi. Voilà, des morceaux que vous n'écouterez jamais ailleurs. Et c'est pour ça qu'on aime bien vous les diffuser avec beaucoup de plaisir. On en a des tas comme ça. Et on va faire une petite série comme ça assez régulièrement. Tout à l'heure, il y aura encore... une série spéciale Mavrika avec des versions Mavrika que vous trouverez nulle part ailleurs aussi, avec des groupes que nous n'avons pas forcément reçus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, mais c'était notre ami Didier, hein, mon suppléant pendant 3 ans, qui les contactait, qui arrivait à obtenir des enregistrements spéciaux. Donc on va écouter par exemple Blackstream avec un morceau qui s'appelle Alive, une version Mavrika. Anodine avec Volage, version Edit Mavrika. Sunset Red avec Division, la Mavrika version. The One Man avec Amnesia, la version Mavrika. Pit Call avec Daily Routine avec Mavrika Edit. Les Resto Basket avec Graham, c'est Mavrika version. Et les Nobody's Cult avec Not Alone sur Radio Arc-en-Ciel, donc pour l'émission Mavrika. Avant ça, avant cette petite série-là, parce qu'on a plein de choses encore à écouter, on est ensemble jusqu'à 22h30. Hein. J'espère que vous en souvenez, j'espère que vous en profitez bien, j'espère que vous êtes bien calé sur votre canapé, à siroter ce que vous voulez, hein, pas forcément de l'alcool, hein, il fait très chaud, il faut s'hydrater. On va continuer avec des nouveautés. Voilà, on va écouter un des derniers morceaux de Custom qu'ils m'ont envoyé la semaine dernière, il y a 2 semaines, mais j'ai pas pu le diffuser jusqu'à présent. Donc Custom avec For Your Love. Lion, un artiste qui se propose de venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, ça sera vraiment avec plaisir dès que ça sera possible. Alors Lion, c'est avec le titre Des Blinders. Les Noitol avec leur nouveau morceau My Event. Et voilà, donc je vous ai présenté plein de morceaux, il n'y a plus qu'à les écouter. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. We'll be right back.

ici Blackstream en direct de Biarritz. On va vous passer un petit son en provenance de l'océan, un morceau sur l'énergie positive. Voici Alive. Qui s'appelle Volage. D'abord parce que c'est le dernier qu'on a composé. Ensuite parce qu'on se dit qu'il est bien adapté un petit passage radio. Et puis si ça vous plaît, vous pouvez écouter le reste de la maquette sur notre site anodine.eu. Bonne écoute. Je vogue seul au grand, large, toute voile dehors, et un voile d'or couvre mon équipage. Humeur du jour, volage, je vole sur mon nuage. Poussé par le vent qui danse et le vent découvre ton corsage.

maintenant écouter Not Alone, tiré de notre premier EP, Echoes from the Tape. Grabbebock et Daily Routine, puis on a choisi Daily Routine qui est un peu moins festif mais plus original. I drink fucking coffee to start my day, smoking cigarettes on my way to the alcohol cellar where I have to pay my daily whiskey, my daily ale. I'm drinking whiskey all the time, drinking whiskey to lose my mind. I'm drinking whiskey, beers and wine. Phone, what's going on? Drinking at the pub, I have to come. My friends Willie Jack and Walker John just ordered me a whiskey. He's on the run. I'm drinking whiskey all the time. I'm drinking whiskey to lose my mind. And drinking whiskey, beer and wine. I'm drinking whiskey 'cause I'm thirsty. I'm back to back. Now it's 1 o'clock, one on the rug. Whoa, it's 2 o'clock. Damn, where's my lighter? It's 4 o'clock. Maybe we should go home, cause the doors are locked. I'm drinking whiskey all the time. Final day, smoking cigarettes on the way to the next night shop where I have to pay some whiskey for my homies. Guess what they say? I'm drinking whiskey all the time. I'm drinking whiskey to lose my mind. Drinking whiskey, beers and wine. Drinking whiskey. Chanteur de Resto Basket. Alors on a choisi de vous passer la dernière chanson qui s'appelle 2 grammes, qu'on a sorti en clip sur notre chaîne YouTube, que vous pouvez retrouver facilement. Il y a une production de ouf, on a fait bosser nos potes qui sont en audiovisuel, il y a des super effets spéciaux, en plus le batteur il a des nouvelles cymbales, et il paraîtrait que grâce à cette chanson on va bientôt jouer à l'Olympia. Là-dedans, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, je ne sais pas, mais en attendant, écoutez la nouvelle chanson. Allez, salut, ouais. J'espère que tout va bien pour vous. On attaque la dernière demi-heure de cette émission Maverica numéro 453. Voilà. Et on vient d'écouter un groupe qui s'appelle les Shaky Mets, un groupe qui a mis le feu lors du précédent Maverica Live. Donc c'était le Maverica Live numéro 11. Et puis donc on attend le Maverica Live numéro 12 qui devrait avoir lieu le 21 novembre 2020. Voilà, on espère que tout va s'arranger d'ici là et qu'on pourra faire cette édition du Maverica Live comme il faut, quoi, dans des bonnes conditions. Voilà, donc je vous ai calé d'autres morceaux encore derrière. Il y aura les Devon Miles avec Do It A Break, les Full System avec Modern Mess, Cosif System avec 99%. Voilà, on va le dire en français. La Jarry avec Mea Culpa. Alors, c'est une version de Mea Culpa faite dans l'émission Maverica. Hein, donc, Maverica numéro 435. Et puis, donc, le temps va passer. Et puis, on arrive à la fin de cette émission. Donc, et vous savez que c'est la dernière émission de la saison. On se retrouvera le 4 septembre, si je me trompe pas. Ça doit tomber un vendredi, à vérifier. Mais enfin, à partir du mois de septembre, donc, je reviendrai dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et on va essayer de voir si on peut commencer à organiser des émissions avec des invités. Voilà, au début je pourrais peut-être pas avoir les groupes en entier, donc peut-être un ou deux groupes, un ou deux personnes par groupe, je veux dire, justement. Donc on va essayer de privilégier tous les solos et les duos qui ont pas pu venir dernièrement, et on va essayer d'avoir du son en direct live dans l'émission Maverica, hein, ce qui est quand même à l'origine l'essence même de l'émission Maverica. Alors voilà, on sera en vacances, je serai en vacances en tout cas la semaine prochaine, et ceci tout le mois d'août, hein. C'est comme ça. Restez à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel quand même, hein, sur radio-arc-en-ciel.fr. Ça fonctionne actuellement. Et puis les techniciens sont en train de voir pour réparer le problème de la FM qui n'a pas fonctionné aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a fait une radio web, hein, sur Radio Arc-en-Ciel. C'est comme ça. Je vous donne rendez-vous donc dans un mois et quelques. Entre-temps, passez de bonnes vacances. Je sais qu'il y en a certains qui vont pas tarder à revenir. Déjà, hein, le mois de juillet va bientôt se terminer. Et donc, on se retrouvera avec beaucoup de plaisir au mois de septembre pour une rentrée scolaire. On va faire comme ça. Voilà, on va dire les phrases magiques. Les phrases magiques dans l'émission Maverica, vous les connaissez, c'est que le rock and roll est avec vous. Everything is gonna be alright. Et une vie sans musique serait une erreur. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Maverica. C'est l'édition numéro 453. Et elle se termine bientôt. Alors restez avec nous. On continue avec Devon Miles. Are you ready? Now it's time to prepare for war. Now stop the fight, no need to annonce ton nom. Gwendoline Bison. Tu suffoques, tu t'évanouis, les dauphines se crêpent le chignon pour te dire bravo ma chérie, c'est toi qui as gagné, tu es Miss Saint-Paul sur mer. C'est génial hein. Pétasma. Mais Miss Saint-Paul sur mer, toi aussi tu as le droit d'y croire. Miss Saint-Paul sur mer, toi aussi tu as le droit à ton quart d'heure de gloire. Mais un quart d'heure s'est vite passé, Après les rires viennent les larmes. T'as obtenu ton CAP de femme, de gendarme. Mais au fond des yeux t'as gardé tout un tas d'étoiles qui scintillent. Au concours de Miss Roubaix, tu vas inscrire ta fille en Miss Saint-Paul-sur-Mer. Toi aussi tu as le droit d'y croire. Miss Saint-Paul-sur-Mer, toi aussi tu as le droit à ton quart d'heure de Miss Saint-Paul-sur-Mer. Toi aussi tu as le droit d'y croire. Miss Saint-Paul-sur-Mer, toi aussi tu as le droit à ton quart d'heure de Miss Saint-Paul-sur-Mer. Miss Saint-Paul-sur-Mer. Miss Saint-Paul-sur-Mer. Miss Saint-Paul-sur-Mer, toi aussi tu as le droit à ton quart d'heure de gloire. Le mal est entré. can't fail them. I've got memories and trouble that keep the ends night. I've been home, I'm waiting for someone to tear it down. Then packing up in bed seals and for the next hour. Home was never on the ground. I've got no roots. So my home was never on the ground. No roots. I've got no roots. I've got no roots. So my home was never on the ground. I've got no roots. So my home was never on the ground. No roots. I've got no roots. Still boy, that's just a wish to play. Ask me where I come from, I say a different way. Travel at gypsy is night. I can't get the numbers and play the guessing name. It just applies that changes the words it still the same. Travel at gypsy is night. Home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. No roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. But my home was never on the ground. No roots. I've got no roots. Hiding holes, hiding things inside them. When I grow old, I won't forget find them. Hiding holes, hiding things inside them. When I grow old, I won't forget to find them. I've got no roots. Souvenir de l'émission numéro 415 dans laquelle nous avions reçu le groupe Missing et on a pu écouter une interprétation très funky de No Roots. Juste avant, c'était Dolly avec Je ne veux pas rester sage et je vais vous laisser avec Warless pour terminer cette émission avec Evening Has Gone. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika, c'est la dernière de la saison, on se retrouve le 4 septembre. Donc en attendant, en tout cas, portez-vous bien et prenez soin de vous et de vos proches en tout cas. Voilà, cette émission se termine. À très bientôt, profitez-en bien. Allez, bonnes vacances. Palavras